Voilà. Wow. Ah. Oui. Bonsoir, mes chers amis. Je ne sais pas maintenant, ça va? Je pense que je viens de me reconnecter. Oui. Bonjour, bonsoir. Toujours ces petits problèmes de YouTube. Voilà. Voilà, je pense que je suis revenu. Bonsoir, mes chers amis, bonne nuit. Et OK. Désolé, pour cet inconvénient. C'est-à-dire que la connexion nous a demandé un code qu'on n'avait pas sur place. Alors, il fallait se déconnecter et puis rentrer encore. Bonjour, bonsoir. Nous revoici. Toujours pour les Congos. Et Lélo, nous avons, je pense que deux points, il y a discussion, entre nos Congolais. Il semblerait que l'image n'est pas bonne. Voilà. Entre nous Congolais, Tomekako discuter en go. Et tomber le cause solution parce qu'il semblerait que mais Bazaliko reprochait Bissot à tout moment que nous parlons trop mais tout propose à rater. Alors le premier point tout comme Kakosolo Ezali toujours Oyo Ezali d'actualité l'union sacrée Bengi, union sacrée de la nation. Et puis, deuxième point, sur la proposition d'Abisso, pour que Congo ait retombé les sous sur la bêtise et la boyété. C'est une proposition où, comme vous le savez, Mboka, et Zaliba Kolomboka va te dessiner à Congo. Parce qu'au fait, vous remarquerez que ces histoires, il y a monde, mingi, nous copions toujours l'Occident. Et la démocratie, te copiera toujours l'Occident, bilokonyoso, te copiera l'Occident, droit de l'homme. Occident, et d'ailleurs, les droits de l'homme, ce qui est le premier document oyo ezali lokola mobeko likonzi ya droit de l'homme, oyo ezali déclaration universelle des droits de l'homme, ezalaki conçu sur base ya culture ya occidentaux. Donc culture na bango et ba imposer yango na monde mobimba, il faut suivre comme ça. Alors yango bozomona ke bato ebele, c'est pas notre point de séjour, bato ebele surtout en ce qui concerne la protection des réfugiés par exemple. Il y a des cas mingi mingi ba officier immigration ou ba juge bazali na dilemme ya ko résoudre ba problème ebele. Alors bien que tous allez na ba loi mousso complémentaire ou il y a toujours ko compléter ba vide ou yo déclaration universelle des droits de l'homme ezali ko la kisabiso. Alors pourquoi ba vide wana? Ba vide wana c'est parce que quand cette déclaration universelle des droits de l'homme ezalaki et komamaki et batou ba komaki yango bazalaki na intention te ba komayango pour ba pays mous ba continent mous par exemple les Africains par exemple ezalaki pour na bango occidentaux donc les Américains les Européens. Alors mais maintenant que cette déclaration est comme universelle, même erbalobaki yango balobaki déclaration universelle, mais en réalité la culture ce n'était pas la culture universelle, c'était la culture occidentale. Alors mais maintenant que tout le monde s'implique là, il y a un besoin d'une loi complémentaire et ça y qu'il y a un cadre pour que ben mais qu'on accommoder ma vie. Et même la démocratie aussi, c'est-à-dire que cette démocratie, nous copions une démocratie selon la culture occidentale. Alors, mais maintenant, ce qui, par exemple, les Osimbatés, nous pouvons dévier de cette démocratie occidentale et créer une autre façon de démocratie selon nous. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, deuxième point, donc, ce que nous avons dit, c'est la culture, les alliés, tomber quand on pense, façon, il y a président Nabiso. Il y a Biso qui est en Congo, mais nous pouvons innover pour que ekende na bamboka mususu ya Afrique, pourquoi pas na bamboka mususu ba bengi tiers monde. Alors le premier point ezali il y a comment on appelle ça, union sacrée au ba bengi union sacrée ya de la nation. Bato oyo bazali ba minanga sur Facebook bomona ki post na komaki na tongo na bino ya koloba que en tout cas union sacrée de la nation oyo ezali une escroquerie, ezali anarque national. En réalité il y a rien d'union sacrée de l'opposition de la nation na kati kuna. Alors na poste nanga la komaki boye ba formaka gouvernement na ba mboka oyo ezali na ba parti politique ebele. Na Congo, tozali na plus de 700 partis politiques. Ça, c'est vrai. 700 partis politiques enregistrés. Oh, na yebi, ça date, je pense, de 2 ou 3 ans. 700 partis politiques enregistrés, officiels. Alors, les autres, yebi, t'es soyez commis combien? Parce que Katumbi a outu quoi enregistré, pe yaye, on va bénir ce qui est ensemble, je pense, et commis que partis politiques. Na yebi, t'es soyez qui va commis déjà na 1000 partis politiques. Parce que tout le monde, azo sa la partie politique na ye, tout le monde azo ke kwa registre yango, moye pe bobo ya izate parce que ezali droit ya bato. Alors, na formation d'un gouvernement, na environnement politique otoza nango na Congo, le gouvernement se forme selon ma proportion majoritaire ou bien minoritaire, na kati ya ba regroupement politique. C'est-à-dire quoi? Na multitude de partis politiques au ezali na mboka na biso, ce qui un président s'est dit bon voilà, nazali ko kende ko former binyo so boya elongo na ngai, to sala union sacrée de la nation, tout le monde vient ba fungo le porte motonyo sa ye, bon moni ba tonyo so bazo kota kona na kati. Alors, vous allez remarquer que votre président sera en face de plus de 700 partis politiques, plus de 700 leaders politiques. et boyebi culture ya mboka na biso ba leader ba parti politique balingaka toujours bango bazwa ba poste ba koma ba ministre ba koma ba PDG ba koma ba pesa bango ba poste yango bozomona ba bundaka ah biso boye alors mingi ba formaka ba regroupement politique mais sur ba regroupement politique exact vous demandez à ces gens là binonyo soboya autour na ngai na eloko to bengi union sacrée de la nation. C'est-à-dire cette union sacrée de la nation, c'est un groupement politique. Alors, vous remarquerez que ce groupement politique loko la bangonyo sobazo kota na kati. Il y a regroupement politique oyo bengi union sacrée de la nation. Oyo na wuti koloba, il va se retrouver na plus de 1000 leaders politiques moto na moto ayeko représenter parti. Alors, dilemme mes amis. Tozali siko na regroupement moko. Oye ba bengi union sacrée de l'opposition. Ba regroupement mususu esali nini e koufi. C'est-à-dire que FCC e koufi, Cash e koufi, bon, disons par exemple, la Mouka e koufi. Bilo kwa nan sou ba regroupement nyo se koufi, alors, to tikali kaka na regroupement moko, MPR. Papa bo moko, parti bo moko. Alors, dilemme esali nini maintenant, pona ko sala gouvernement. Dictature et kokota na kati. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que yo bengi si biso nyonso. Nga na zana parti na ngai. Yo zana parti na yo. Ye zana parti na ye. Olobi na biso nyonso to ya na union sacrée de la nation. Ba regroupa moussou se salinini et koufi. Fatih Beton. Alors, mais maintenant, Fatih Beton va former un gouvernement. Alors, ako considéré ba parti politique wana nenge nini pour que ba former, parce que gouvernement ba former pe goza la gouvernement d'union sacrée de la nation. Alors, il va former ce gouvernement sur base de quel parti politique? Parce que regroupement, c'est quoi comme il moko? Ce qui est regroupement, il a été belé. Regroupement politique A, regroupement politique B, regroupement politique union sacrée de l'opposition. Tosa, c'est quoi en face, il y a un regroupement politique, par exemple, 3, 4, 5. Alors, maintenant, qu'est-ce que le président va faire? Il va demander aux leaders de ces regroupements politiques de proposer des listes. Il y a batu oyo bakoyi kozala ba dirigeant na ba institution na biso par exemple na kata gouvernement. Alors, ba regroupement politique bakokende moto na ba parti politique o bazali na kata regroupement politique na ye. Bakoloba bon, il faut que na gouvernement, biso il faut proposer par exemple 5 ministres, to proposer par exemple 5 vice-ministres, to proposer par exemple 5 PDG, donc proposer par exemple 5 vice-PDG, voilà. Alors, bah, quand il y a la liste, wana, chaque regroupement politique va soumettre la liste wana, et pas le président de la République. Et maintenant, le président de la République, il y a une autorité, il y a une notoriété, il y a un regroupement A, il y a un regroupement A, il y a un 5 T, il y a un regroupement A, il y a un ministre 3, et puis il y a un vice-ministre 2. Ou vice-versa. Na regroupement B, bango va proposer 10 postes ministériels, tokope sa bango par exemple 3 postes, tokope sa bango 4 vice-présidents. Bango ba tikali bako zwa kote ya ba PDG ya ba institution, ya ba entreprise publique. Voilà. Alors, dilemme maintenant Ezali que Félix maintenant, il a corrompu Batu. Babo ma regroupement politique na bango, Batikala na union sacrée de la nation. Alors maintenant que yemoko siko muta koza la maître, il y a union sacrée de la nation, parce que cette union sacrée de la nation, le chef moral, ezali ye Félix. Alors, kopona ba ministre, na kopona ba mondenge, na dictature, ya koloba bon, ngai gouvernement otozo sala, d'abord un, premier ministre par exemple, parce que dans un chef, il y a regroupement politique oyo, premier ministre a outa na IDPS. Parce que c'est un parti politique mondial. Abimi, c'est le premier ministre. Akoloba, bon, Toloba, vice-premier ministre, Bako Outa, par exemple, na parti boye, na parti boye. Mais vous avez plus de 1000 partis politiques légaux, Oyo, Bazali enregistré, ba Oyo, ba yé na kati. Il y a union sacrée de l'opposition. Ce qui est opposé, parce que au sein du gouvernement, il y a 1000 ministres, quand même. Ou bien au sein du gouvernement, il y a 1000 gouvernement, ba ministre, na ba vice-ministre, 1000 personnes, c'est quand même. Bien que la présidence a eu plus de 1000 conseillers, il y a bande qu'on a eu à l'autre côté, na mboka partout, ma côté, na yé, mais quand même, il y a la culture, il y a un népotisme, pour que, au sein du gouvernement, il y a 1000 personnes. Et vous allez vous battre. Mais avec Félix, impossibilité exacte. A quoi qu'on ait un schéma, on a abîmé le gouvernement, il y a 500 ministres. Félix, c'est possible parce que ce que ma conseiller a eu dans la na présidence, 1000. Ni ne vous en aille à ce gouvernement, il y a 500 ministres. Alors, dilemme, c'est quoi Yangwana? Et si Kabako Bunda Yangwana? Vous allez remarquer que, bah, on va la léser. C'est-à-dire, bah, on va causer la représentativité. Bah, qu'on bimana une union sacrée de la nation. Bah, ok, de causer la plateforme politique na bango musus. Et qu'on a ce qu'on va causer la nini, bah, on tient boulot. Donc, ezali qu'on paie sa possibilité na Kabila, à sali sa plateforme politique musus. C'est-à-dire, bah, tromper bino vigilance. Bon, voilà, PPRD. Dans FCC aussi. Alors maintenant, Boke de Okota, Félix, na union sacrée de la nation. Elle va recommander l'union sacrée de la nation. Vous remarquez que Roubaix, par exemple, soit comme ministre, au moment de la Banyamoulenge, va recommander la plateforme. Batua Kabila, ba Mende, ceux qui vont récupérer le gouvernement, au moment de la Banyamoulenge, va recommander la plateforme. Oh non, la carte est union sacrée, il y a une dictature. Pourquoi va considérer que la partie Oyo, biso va considérer bisoté? Parce que au fait, eloko ekufi ezali FCC, PPRD ekufité, PPRD ezali, c'est un parti politique. Alors, nakati ya FCC, tous ces partis politiques qui faisaient partie ya FCC ekufité, ezali toujours. Alors maintenant, ces partis politiques membres ya FCC comme FCC Koufi, bango ba yé pa Félix bazo zela, bazo ba poste ministériel. Ce qui bazo ba poste ministériel, vous allez voir que ces gens-là vont se retirer de l'union sacrée de la nation de Félix pour que basa la plateforme na bango mususu. Alors, na union sacrée de la nation Oyo, ba parti ni nezali majoritaire. Ba parti ni nezali majoritaire. Ezali ba parti ya FCC Toloba, ancien FCC, bango bato bazali majoritaire. Alors, ancien FCC lokola bazali majoritaire. Un, il faut pèsa bango poste ya premier ministre. So pèsi bango poste ya premier ministre, il y aura problème. Bako se regrouper pour bazo poste ya premier ministre. Alors, so ko pèsi bango te bako biba na union sacrée de la nation ndenge na uti koloba, bako sala plateforme na bango. So ki bazali plateforme na bango. Donc, c'est-à-dire que il y aura cette union sacrée de la nation, une sous-union sacrée de la nation à quatre. Alors, sous-union sacrée de la nation en étant à quatre, il y a un monde qui est majoritaire. Va réclamer le poste ministériel et belé, va réclamer le premier ministre. Ou bien, va réclamer le ministère aux alliés clés du pays. Alors, mes chers amis, c'est question maintenant de logique. Vous allez remarquer que, en réalité, les kabilistes sont toujours là. Parce que, un, dans l'union sacrée, Oyo, le kabilisme est majoritaire. Pour Batumusus Tomoni, il y a l'IDPS, il y a les cash, cash peut se laisser faire. Parce que cette présidence de la République, Félix a joué à mon côté, a joué à mon cash. Alors, maintenant que Obomi cash, Obomi FCC, donc, on a dit que cash les bandits. Cache, il faut être la partie prenante dans l'union sacrée de la nation. Ce qui est la partie prenante dans l'union sacrée de la nation, c'est quoi qu'on peut confondre dans Bato Moussousou pour que basta la union dans Bango Moussousou. Et beaucoup de monde qui est dans l'union où il y a ça, l'UDP sera minoritaire comme toujours. Vous voyez que les Congolais, Azamoutou, Yambongo, Alinga Kambongo, Lokoso, les politiciens congolais, c'est l'argent, ce ne sont pas des politiciens. 15 000 Oyo, Félix a pèsi bango. Déjà, basi basilisi. Déjà, basi basilisi. Parce que vous voyez, les gars là, ceux qui n'aiment pas, si c'est n'aiment pas, qui réclament 20 000 ma propriété qui est. 15 000 déjà, basi basilisi, pour assommer ma député, et Sili, maintenant, ils allaient réclamer 20 000 au bas prometta qui. Alors, ce que 20 000 ont été, il y a ce qu'il faut jouer contre Bino, alors qu'il n'y a pas de poba pour se faire côté un regroupement politique. Alors, et si Kanini Bozomona est allé en Arcte, ou est allé en Arcte, qu'est-ce qui a changé? Parce que si on l'a dit, on a été regroupé dans le groupement politique et qu'on a l'impossibilité de former un gouvernement. Parce que tout le monde a été le premier ministre, tout le monde a été le vice-premier ministre, tout le monde a été le ministre, tout le monde a été le vice-ministre, tout le monde a été le PDG. Et vous voyez que dans Londres, il y a un Tchakoudia, il y a comme premier ministre. Il y a un Bastak, il y a un Mirovor Nyonso, Bakita, pour que il y ait azo que nous soit fonction de premier ministre. Alors, il y a combien maintenant au bazou qu'on a premier ministre? Bemba l'ingaz à la premier ministre. Katumbi a l'ingaz à la premier ministre. Bahati a l'ingaz à la premier ministre. Idepes Kuna Kaboun Kabouya a l'ingaz à la premier ministre. Alors, Rouberwa a l'ingé premier ministre qui n'a pas de moulin, parce que Bango. Bazali maltraité, semble-t-il, na Congo, il faut baser la direction, il y a premier ministre. À cause de la nabatou combien, na gouvernement, oh. Dilemme. Dilemme. Oyo bazolo ba ke zela ou mona Fatih Beton. Na yebite, Fatih Beton, ango, e lo koni ni asya sali. Oyo toko mona ke oui, moutou o azali beton. Na fungole ma parenthèse moko. Baso de mouton o balo ba ki soki eza kote a. Ya kitambo, ya ezana pomba wakuna sode muto wakuna. Bakangi bakamye lika sute bafisi rezali. Ebukani. Sode muto oyu ba utiko sala. Eleki meme mbula mokote. Sode muto ebandiko bukana. Bakangi bakamye matasuste likolo. Beton. Sode muto ya beton peza. Bakangi yango. Kofinga ngate. Ce que vous voyez dans Kinshasa, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit dilemme ezali. Et avant na kota na deuxième point, na lingi na fungola sous parenthèse mususu, pour que na expliquer, ba pe bele na moni na net, y a des gens qui ont posé une question de savoir, milvor ça signifie quoi? Nana yaki na kombo ya milvor, et voilà. Ba obaza ba camarade na ngai na Facebook, ba monaki définition ya milvor. Je ne sais pas, na YouTube, image eza flou, je ne sais pas pourquoi. Anyway, ba monaki post nangai où j'ai défini. Et loko nini, elingi koloba milvor. Je pense que bola nanga malam ezala moto nyonso azwa yango konsele diz milvor azali mulubate milvor azali mulubate milvor azali kongole oyo azali génétiquement modifié génétiquement tissékédisé. Milvor Azali, un Congolais, génétiquement tissékédisé. C'est-à-dire que Moutou Oyo Balongoli yé ba transformé yé. Donc, système na yé est changé. Système na yé est comme Kosta là. Selon la volonté de la famille Tshisekedi. Et caractéristique na bango ya ba milovor, ba liaka ba milou. Wana caractéristique na bango ya liboso baliaka ba milo ya mibale bazalaka na mémoire te perte ya mémoire okoyi koyebisa ye likambo kaka sikoyo amoni likambo kaka sikoyo quelques secondes après à perdre yango mémoire et perdre likambo wana parce que boyebi ke biloko tozwaka na kati ya mémoire na biso ezalaka na ba fichier likambo boye eza na fichier boye likambo boye eza na fichier boye likambo boye na fichier boye alors soki oza na besoin nango mpo ose rappele mémoire ekoede yo mpo ekende koluka likambo wana na fichier place obombaki yango epui erappele yo yango osaleli ou bien olobi alors me bamilouvor soki bazwi likambo tellement que bazali génétiquement modifié lika mémoire na babwe kokoka kosimba likambo te donc na kati ba fichier eza te na kati Tshisekedi atikela bango fichier kaka moko fichier wana ezali oyoka kaka kombo ya Tshisekedi soki oyoki kombo ya Tshisekedi mémoire na bango erapelaka bango kombo wana eza na fichier oyo moko kaka baza nango na mutu na bango na mémoire na bango soki ayoki moto alobi Tshisekedi pardon mémoire na bango ye rappelé bango e bimisi fichier wana alors na mémoire wana ba action eza mibale Tshisekedi o ayoki ayoki yango na ndenge nini balobi nini babeteli Tshisekedi maboko okomona mémoire ekovanda kimia ekosala eloko te réaction eza te mais soki mémoire ebimisi fichier wana Tshisekedi alors eyoki moto alobi Tshisekedi ayoki ke moto alobi komba Tshisekedi na ndenge ya mabe mémoire wana réaction qui se déclenchait automatiquement réaction automatiquement donc bandeko oyo bazana fichier kaka moko na mémoire na bango et caractéristique na bango bazali na violence moko primitive donc bango ba réagissaka nanu ba betaka nanu ba fingaka nanu ba attakaka nanu raisonnement peut-être koya après mais d'abord attaque ko beta kofinga yango wana d'abord ba réaction na bango c'est vraiment primitif alors wana ezali ba milouvor alors à partir d'aujourd'hui botika makambo wana so linko tala définition nyonso ezali kuna tozali ko développer une théorie na moni ba tebele ba lobia prof okomi vraiment okomi ba buzoba mingi oyeza buzoba je ne sais pas bato oyo basala science politique ou bien basala philosophie ou bien basala relations internationales bakoyebisa bino ndenge ni théorie politique ebotamaka ba théorie oyo nyonso bozomona libéralisme socialisme réalisme tout ça ezalaka na quelque part ebandaka conception ya eloko ezoleka na société le scientifique va récupérer un mot, va conceptualiser un mot, et par la suite, on est comme une théorie politique. Alors, ngai na lobi que je vais tenter de développer une théorie politique oyo nazali ko benga le milouvorisme. Alors, tozali na ba terre rebelle oyo ba pro libéralisme, ba pro socialisme, ba pro réalisme, ba pro machiavélisme, ba pro, voilà. Et maintenant, au Congo, il faut qu'on soit fier, tout mec en tête, qu'on soit fier, n'aille pas qu'on a un peu côté, ba anthropologue, ba tout le monde, qu'on bengi sa bango, pour que tout mec a développé une théorie, où tout bengi milouvorisme, et zali nini. Alors, c'est une théorie politique, où tout banda ko utilise, na ba université, na biso, na politique, na biso, na ba réflexion, na biso, na philosophie, na biso. Alors, mabe ezali wapi tokangi parenthèse wana ezalaki sujet lelo te tokodevelope yango mokolo mosusu tokotalelango live alors deuxième point oyo nalingaki kolobela awa ezali oui ya une question ici makambo ya théorie oyo nazoba milouvorisme ekoya nsima sikoyo te na ko développer yango na mikolezoya sikoti mikolezoya merci alors deuxième point la ligne kolobela ezali forme ya ko ko tia ba dirigeant ba institution na biso et ko kende peut-être ba oba ko la na mi ko le ko ya pour expliquer qu'est-ce que je veux parler sur le millivorisme et ko coïncider mon pied un jour vous allez se rappeler peut-être j'ai parlé voilà, ça va venir. Alors, n'allez que le deuxième point Oyo, n'allez pas dire que démocratie haute aux alliés qu'on appliquait les alliés démocratie n'a pas sauté, ça a été et là comment qu'on créait dans occidentaux la culture na bango. Alors, la démocratie mingi, quand on parle de la démocratie, on parle de la forme des élections, de la forme de choisir ses représentants. Alors, batou va se réunir pour que ba pona ba représentant na bango na ba institution na esikanyo somali. Et ko pona ba représentant wana, je vais dire donc des élections. Mais vous allez remarquer que bah africain belé bata la cahier de charge té ya poste oyo bazali ko postulé bata la cahier de charge té koza la président mustala président ezali nini bango kaka yelo bata la ba honneur naza la président pona za bonheur nyonso ya mokili naza la président pona za la retete naza la président pona za la boye pona za la boye famille na za la boye to zwa mbongo to vwama avant ba koma président ba yeba kate musala ya président ezali nini omona ke no tala musala président ezali boye ezali boye ezali boye seni na biso explique kate moi je n'ai en tout cas na ebite suivre ate episode wana mais en tout cas seni il fallait ba expliquer ba candidat nyonso avant koma président tala cahier de charge d'un président ezali nini musala na yo ezalini. Alors ndeko vanda okanisa enke okoki ou bien okokite. Pas que les gens viennent comme ça comme des moutons. Alinga comme président. Era okoma siko ba kopesa ebonga président. Ye moka komia na ye bakite ke ezali boye. En tout cas, je ne pense pas que na kolekisa mandat mibale. Nzoka ndeza la kapule. Era yo kanisa kini. Ezali li panangu bate. Alors, wana nazali ko condamner seni. Seni, il faut expliquer ba candidat nyonso, ba yeba. Ba candidat nyonso kouyote, ba Congolais nyonso, ba yeba. Awa bozo linga okoma président, tala moussala ya président denge ezali. Tala, avant okoma président, background na yo, il faut zala na nini. Les conditions ya ko zala président. Betude na yo, il faut zala na niveau nini. Expérience na yo, il faut zala na niveau nini. Kobota ma na yo, est-ce que zali Congolais ya solo? 50% ou bien 40% ou bien 100%. Voilà. Moutoussiko era kota la ba condition ou nyo sa d'abord moussala na ye ya président. Atali tiko ba condition pona ko kende kozo moussala wana, ko postire pona moussala wana, ba tu bako se retire. Non. Ngana moni, ou yon na kokokate. Experience ou ngana zana ngote. Niveau ya classe ou ngana zana ngote. Niveau ya patriotisme ou yon ngana zana ngote. Niveau ya expertise ou yon ngana zana ngote. Au lieu de laisser des gens comme ça, un mouton peut se réveiller quelque part, tellement à zana moi batou balandakaye, balingakaye, alors la personne veut devenir président de la République sans qu'on y ait bah, moussala ya président de la République ezali nini. Responsabilité na ye ezali nini. Alors, moi, je voudrais proposer que na Congo na biso to longola système ya élection pour na président de la République. To longola système ya élection. Ko sauter dans te, ko sauter te zela. Faut pas sauter comme ça. Zela na silis. Attendez que je finisse. Moi je propose na Congo to longola système ya élection présidentielle. Pourquoi to longola yango? Avant d'expliquer. Pour éviter que des tozois idiots moussous, parce que on a eu un idiot, d'abord. Kabila. Il est venu comme ça, a vu constitution a changé, et il y a un président, il faut un minimum, il faut gradué. Kabila y est tellement il y a un diplôme, il y a gradué, à l'ongoli. C'est-à-dire qu'il y a une constitution qui va tailler sur mesure, il y a Kabila, ou il y a un coquille qui va Kabila, pour comme président. Kabila, il y a un peu de cannabis pendant 18 ans. Juste pour nous, Makambu Yaboui. Tailler ma loi sur mesure d'une personne. Kabila 18 ans qui est accueilli, il est allé pour remplacer, allé pour tirer la biseau remplaçant. Moutoupe ou azali juste na la même mesure na yé moko. Donc on a eu un autre idiot. Alors pour tout éviter que à la prochaine, après Félix. Que tous doivent se soutenir, non, on va préférer que c'est un réseau qui m'a, à la mine, il est à Longwe. Nous allons nous arranger pour que tous doivent se soutenir, idiot, nous se soutenir, au hasard, le col à Kabila, au hasard, le col à Félix. Voilà, on va bien. Pour éviter que tous doivent idiot, nous se soutenir, au hasard, le col à Kabila, au hasard, le col à Félix. Alors, comment tu as ça? J'ai dit que, tout le monde, le système, il y a élection présidentielle. Tout remplacer en un système nini. Tout remplacer en par un test, un examen national télévisé. Un examen national, tout le qui d'abord, jury, membre de jury, neutre, international. C'est un exemple que je donne. Tout le par exemple, Dalai Lama, la Chine, tout le monde. Tout le par exemple, Oyebi, Moutou, Batolokola, Bamandela, Erazalaki. Tozui Moutoulokola Mandela, Toyenaye. Tozui Moutou. Donc, on prend par exemple un Japonais sérieux, au hasard de notariété, dans le Japon, Toyenaye. Tokeye en Europe, Tozui Moutou, Oyo Azaye, les politiques, les politiciens, Tozui Batou Oyo Azaye, la morale, la malam. Batou Oyo qui ne lutte pas pour la Bango Moko, mais pour le monde. Toponi Jiri wana par exemple 15 personnes na monde toponi bango boya ko assister biso na test oyo. Alors examen pour un président de la république a lekina na sénat a déposer CV na ye na CV na ye totali a moto au niveau d'études ni on peut se déterminer par exemple on se dit bon voilà niveau d'études gradué ça va gradué OK ceux qui gradué exacté on rejette la candidature. Donc, il faut remplir ma condition nyonso. Niveau d'études, OK. Expérience, yamoussala, OK. Patriotisme, OK. Alors, bilokwana nyonso sur les techniques, ce qui a rempli yango. Maintenant, to lekisi bango na test. Examen wana d'expert na biso ya Congo, ba juriste, ba anthropologue, ba historien, ba économiste, ba philosophe peut-être peut ko ko tsaba ngona kati. Ça sera déterminé par biso ba congolais. Ba wana ba ko composer questionnaire ya examen national. Examen wana ko iko zala toponi esika mutwa kotate na kati ya stade. Ce qui t'aurait tenu, ce qui sénat à retenir par exemple 10 candidats ou bien 20 candidats. D'abord va ba candidat wana ba leka na examen, ba candidat wana toko leka bango na interview télévisée. Toko zwa ba journaliste prépayé te lokola ba bolembe ce qui bolembe, ba non, toko zwa ba journaliste neutre. Ba Congolais te, toko zwa bango nègre, toye na bango. Ba journaliste wana bako ede biso, na plateau moko télévisé, débat ya ba candidat nyonso 20 par exemple. Après débat wana ba candidat wana, bako leka par exemple na stade, na katia stade par exemple la Kamanyola, et sika bato ba beta kabal, to tche ba ban 20, et tandami ba télévision nyonso miswe pa na bango. Moutou na kamera, ba ordinateur auto kopesa bango, et qu'on a un système, il y a connexion, il y a internet. Vous savez, dans le monde qui est et si tu as tout le temps, il y a étudiant, il y a doctorat. Il y a un examen, il y a cours principal dans le monde. C'est-à-dire que ceux qui, par exemple, ont la science politique, il faut qu'on prenne la science politique aux autres salariés. Par exemple, les relations internationales, ceux qui opposent, par exemple, sécurité, opposent, par exemple, économie politique, opposent, par exemple, ma pensée côté Moussousou. Alors, étudiant, on a examen. Examen, on a un ordinateur. Ordinateur, on a une connexion Internet. Quand ma question, et Siri, quand ma question, au côté, quand yo mobimba et là, comme tu es à connexion, moko es examen, on est à jour, mon alors, ton côté, ma candidat président, ma mission, on a quatre stades. Na stade, au tchéli, bango, bapan. Attention, bas à la pembénité. Voyez, bien, quand ma cambo, qui examine, pasteur, qui examine. Bas à la pembénité. Voyez, bien, ma cambo, Félix, dégainé, n'a pas triché, Macron. Macron, à l'obanon, confinement. Félix, peine, qui chasse à confinement. Macron, à l'obanon, Covid. Félix, peine, qui chasse à Covid, et y est. Macron, à l'obanon, oh non, deuxième vague. Félix Pena qui chasse à deuxième vague. Macron, qu'on a le babaneige, quoi, à Paris. Félix fait qu'on tourne, on a tabé à Kamouangabaneige, quoi. Félix a le Macron a le deuxième confinement. Félix Pena qui chasse à deuxième confinement. Macron a le banon, confinement n'engaye à partir de 20h jusqu'à 5h. Félix fait qu'on tourne 20h jusqu'à 5h. Tolingi va tricher, y'a bon mot. Tolingi va dijaminate. Alors, Bakoche la bango, par exemple, 10 mètres. 10 mètres. Il y a distance. Le président a dit, ça, du coup, tu es à mon néné. Si il y a 20 candidats, par exemple, on peut mettre 20 mètres de distance entre les candidats. Aux gens à ordinateur, il y a des gens qui ont un hamburger, il y a des gens qui ont un milou, il y a des gens qui ont un milou côté à minou, il y a des gens qui ont un plan, il y a vous êtes libre. Mais, connexion, moko y a des gens qui ont un stade, il y a des militaires qui ont un gradin. Examen, par exemple, 6 heures. 6 heures, par exemple, 200 questions. Moutou Oualinko, comme président, a ça la test. Oyo akozoa. On peut se dire, par exemple, batou oyo batou ko considéré, oyo bakozoa, par exemple, à partir, A plus. A plus oyo azui, 95 à 100%. Ce qui va bimi, par exemple, 5, batou ko retenir, ba candidat président, bangoana. Bako zonga li sou stiko na deuxième débat télévisé maintenant. Et enfin, bango mi balé o bako zala reteni, bako leka sou sou na deuxième examen. O yako gagné, c'est lui qui est président. Pour éviter que tout zwa ba idiot nambo kanabiso, ba leki e belé successivement Kabila leki idiot, te yuko zwa sou Félix idiot, voilà ma kambazo. Un président qui ne maîtrise rien, aïe bien loko mon côté, n'a cosité. Félix sera bimi li banda. Et examen wana deng na lobby et kozwa économie, histoire, ya pays, et trop tapé les relations internationales. Les relations internationales au niveau scientifique, connaissance na yo na politique internationale. Et ça est très important. Bon, moni Félix ba bêtise à salaki moukolo a kendaki kote a vichikona. Il y a un pays là où a kendaki era du pouvoir. Félix a évité que Namboka wana Mobutu asi akenda. A évité que Mobutu asi akenda. Bakutani na président Mboka wana, Félix a lobi en tout cas nazali honoré, nazali na plaisir, eza honneur pour nanga, nazala premier pays congolais et par le premier président congolais ou ayé na Mboka na biso. D'office er président wana azo répliqué pour na correspondre ye, président na lobi nini. Ah oui, tozali ne sengomi ya ko yamba yo, parce que ozali deuxième président ya mboka na bino, o aye pa na biso. Mobutu était ici. Quel son? Yo mokolo mboka, o yemite ke président moko ya mboka na yo, asi a visita mboka wana. O ke ipe na télévision boye interview à président, naza ne sengoba yamba ngai awa, naza honoré parce que je suis le premier président ya mboka na biso o aye awa. Président on a corrigé par le côté papa. Osa deuxième président parce que Mobutu a fait aya. Sony. akena na Nairobi na Kenya, conférence ya bato sur changement climatique. Biso na Congo toza na zamba ya monene après Amazon. Donc soki ba sali réunion ya changement climatique, soki bo invité Congo te, bo invité Brésil te, c'est que réunion na zapo na changement climatique. Ba bengi si. Réunion ba fe bandi malam. Ba benga ya ya na plateau po a expliquer. Ba tounye ka question très simple. Moi l'école primaire ko yiko répondre. Politique na yo nini ya ko lutter contre le changement climatique. Ma mwani. Mon frère nanga beti tout. Non po nangai d'ailleurs écoute na délégation nangai na yena ingénieur ya ko kata manzete po na ko sala makala. Pandeko. Changement climatique batu bazo lutter po ba kata makala banzete te. Ko kata banzete yango ezo favoriser ce changement climatique. Eza malamu te. Banzete ezo protéger biso. Yo ba bengi yo po ya koloba politique na yo eza nini pona ko protéger mukili na biso yo lisusu yena ingénieur na yo o akata ka banzete po sala makala bato bazo lité bo kata banzete te yo oye pe yo mokote oye na ndeko na yo miluvol oyo akata ka banzete po sala makala ingénieur abenga ngam na lobby yango te video eza ya conférence internationale na Kenya sur le changement climatique. Gana lobite, video ezali bo finga te, bo tala nanu video, ava o finga, tala nanu video. Apre yako zongo finga. Voilà la définition de Bilouvor. C'est-à-dire que ce sont des gens, oyo, bazana perte ya mémoire. Ma bosani ke Félix l'a dit. Olie ba finga Félix, bango bazo finga ngaye. Voilà, Bilouvor. Donc, proposition ngaye, franchement, na ebi ke batu bazo seka, mais c'est une proposition qui peut tenir. Faut tout éviter. Tous doivent avoir vani pied na tête à présent. Et exactement ma présidence, même na ba entreprise, même na ba ministre. Moi, je propose biloko ba nomination au groupement politique boye. Na lingi ya ngote. Même boye ba tout na ba groupement politique na bino, mais le ministre, les gens qui doivent assumer ba fonction de ministre, il faut ba le kana tête. D'abord, yaka na CV na yo. Oye na CV na yo, soki ozali ministre économie, okoleka na test ya économie. Okoleka na test ya économie, ya économie politique, okoleka na test ya économétrie, okoleka na test ya statistique, okoleka na test ya macroéconomie, okoleka na test ya microéconomie, donc okoleka na test. Parce que au fait toliki koti ke la mboka na biso te ba ministère na biso na ba politiciens te toliki pesa ya mwana ba technocrate toliki pesa ya mwana ba technocrate. Croyez-vous franchement soki tokeyi na test na ba ministre ministre ya Félix Oye économie notre fille oaza ministre l'économie bandeko soki mwasi wana to pesi test ya économie mwasi wana vraiment ko zwata 10%. Ministre au bagotia ministre ya sécurité ya intérieur, il faut aller qu'à test ya histoire, il faut aller qu'à test ya géographie, il faut aller qu'à test ya sécurité. Ah oui, ministre de défense pendenge moko bozotia ministre de défense tala libo mumunene. Le ministre de défense d'abord c'est un handicapé physique. Ah ok, niko pesa moral nini na basoda po ba sote malamu. Pour babunda pas awa pe oliniko sa c'est école de guerre. Non, le ministre de la défense il faut avoir un ancien combattant ou bien un combattant oyo vraiment qui est passé par ba école militaire exacte moto auti na Rwanda na babote ya mbula akoma na mboka na biso 2 jours 3 jours après aller au comme ministre de la défense. Ayo comme ministre intérieur. Mais où est le sérieux? Voilà ma proposition pour na mboka na biso. Na cadre ya moi récapitulatif mouke pour to kata. Na likambo o na lobeli sur union sacrée de la nation. Que Félix a un dilemme ya ko former un gouvernement ce qui va regroupement politique exact parce que na kati kuna président nyo sa parti politique azokende président nyo sa parti politique alinga za la ministre président nyo sa parti politique alinga za la vice ministre batu na ye baza la ba PDG na ba entreprise alors na mboka na biso tozali siko na plus de 1000 partis politiques alors Félix a reçu le gouvernement, il y a 1000 personnes parce qu'il faut que nous à se retrouver. On va se retrouver, c'est à Kobima, une union sacrée parce que Mathieu était. Il y a une culture dans l'histoire congolaise. Alors, maintenant, ce qui est un regroupement politique, le regroupement politique n'est pas dans la majorité. C'est toujours FCC. C'est toujours les kabilistes qui sont dans la majorité. Alors, est-ce que vous avez la Roubaix Roubaix, ce qui est bon, c'est le gouvernement, c'est que je vous dis, les lobos notés. Le gouvernement Tshisekedi. Ce qui est le combat à Rubéroa, la place à Rubéroa, c'est le Bizi Makara. Ce qui est le Bizi Makara, c'est le Deo Gracias Bouguera. Ce qui est le Deo Gracias Bouguera, c'est le Niragabo, ce qui est Niragabo, ce qui est Niragabo. Lelo, vous signez Lelo, Batouana, Mokona Bangwa, vous êtes la ministre. Batouana, ce qui est le ministre, c'est le Banemoulenge, le regroupement politique, le Zongé, le Pakat. Et d'abord, Baza toujours est là. Bino Bondimi qui est Oyo Kokonez à la Kandoki. Les gars, là, les fétichiers, là, les gars, là, il y a qui voit. Ce qui est beau, c'est. Alors, quand vous avez dit Kokonez à l'Okabino, il faut beau, c'est ministre. Ce qui est beau, c'est à Zongi et Pakati. Donc, 1000 leaders. Il y a un parti politique, il y a l'union sacrée de la nation, ce qui est un gouvernement, il se rebelle, il se retire. Et, mes chers amis, logique, il y a Makambouana, il y a Félix, il y a l'union sacrée de la nation. Félix, Azala qui est incapable de négocier, il y a 6 à Genève. Kuna ba mvuta kie, bata prima kuri ya ba mvuta kie. Incapable à négocier na Genève, à Kimi Genève, à Longwe. À Longwe Genève, à Kena Nairobi. Na Nairobi, incapable de négocier avec une personne, Kamere. Aye na Kishasa, à Ke Epa Kabila. Epa Kabila, incapable de négocier avec une personne, Kabila. Lelo na Kabila, soi-disant, Bakabwani. Croyez-vous que Félix, na Genève, 6 personnes a koyiko maîtriser Bangote, a koyiko yoka na Bangote. Na Nairobi, une personne Kamere, a koyiko maîtriser, a koyiko yoka na yete. Na Kingakati, une personne Kabila, a koyiko maîtriser yete, a koyiko yoka na yete. Croyez-vous que Félix a koyiko yoka na plus de 700 partis politiques, ma leader, ma président, ma parti politique, 700, otoza na mo, oyazui, na kati yinyo sakre na ye, a okoka. 6 personnes a koyiko na Genève. Une personne a coquetté dans Nairobi. Une personne a coquetté dans Kingakati. Et les 700 personnes à Kokoka ont géré Bango pour que la stabilité dans l'Union sacrée na ye, basse dans le gouvernement et va continuer sans problème. Non, non, non. Mukolo Félix a reçu la Nengwana. C'est que Jésus déjà s'est allé, a commis déjà Awa. Tout le monde a mis en place la carapoua de Félix a trahi Bango. Ba o nyoso makenda ki to komi kozwa deja ba revelation. Moutou nyoso Félix a kouta ina ye, ya ba parti politique. Bo ya to sa la union sacrée de l'opposition. O kozwa poste. Bo ya to sa. Moutou nyoso a yebisi bango bongo. Je connais un garde de Bandung. Qui m'a dit, prof, yo, pardon, kolo ba kombote. Ba tou nyoso ba kei o bazana ba parti politique. Félix a proposé bango, bo ya to sa la union, o kozwa poste. Bo ya to sa la kozwa poste. Bon calculé, ma poste ministérielle les a combien dans mon cas? Tozali den a ébisi bino ke onga na yebi ya de cela 3 ans. Mon cannabis est là qui n'a 700 partis politiques. Lelo to yebi te komi combien pour na outi koloba ke katumbi a outi ko a registré association na ye et komi parti politique. Donc to koi kozala en présence de 1000 partis politiques. Croyez-vous, bato nyonso Félix a promettre bango ma poste. Soki ozui, ma ministre. Ba vice-ministre, tu peux dire qu'il y a 150 et 200. Ce qui est une entreprise publique, et qu'il y a 100, c'est d'abord les athées. Croyez-vous que Félix a comme manager tous ces 1000 partis politiques, tous ces leaders de 1000 partis politiques, après ça, moko na moko poste. Ce que PC est ministre était, au PC est vice-ministre. Ce que PC est vice-ministre était, au PC est PDG. Ce que PC est PDG était, au PC est vice-PDG. Croyez-vous que, dans 1000 wana, Congo et Zali na bisika yako placé matin? Congo et Zali na bisika? On n'a pas de côté de l'ambassadeur. C'est ce qu'il a dit. Boya Tokota, vous pouvez proposer l'ambassadeur, vous pouvez proposer. Dans le monde où on a système à Nations Unies, il y a combien de pays? Il y a combien de pays? Même si les lots Félix a fondé l'ambassade dans le pays, dans le monde, il y a système à Nations Unies. Et quand on a 1000 ou on a été, il y a un petit peu de belé. Alors, il y a un moment dans le lobby que cette histoire de l'Union sacrée de la nation est allée inescroquerie. Anak, il y a Félix. Juste pour Alex Sabino Tan, Alex Sabino Tan, Alex Sabino Tan, les bosses là qui nazo gouverné té nazo salamala mouté parce que Kabila zo empêché ga. Si ko akotchani, er ba ko sala gouvernement, a ko sala gouvernement na ye. Ba o akotchana kata gouvernement té ba ko protester. Félix Olobani. Non nazo salamala mouté parce que bato ba proposer nga pona gouvernement, ba zo sala mosala mala mouté. Il faut qu'on change moussous. Et boko mona Félix a commandé 5 ans. Kadiosha na kadiosha. Kadiosha, et surtout que Kadiosha Sikoyo, Bastanis yango na Obwenge. Kadiosha plus Obwenge, ça donne quoi? Formaliser. Ezali Anark. Ezali Anark. Kisalume Banda. Moi, je dirais Ezali Kisalume Banda. Ezali Mouyibi te continue. Mouyibi me Banda diak. Azibi so 2 ans. Alobi Siko Kisalome Banda. C'est-à-dire qu'avant 2 ans, il n'a pas travaillé. Mais, étonnant, dans 2 ans, il a volé. Il n'a pas travaillé, mais il a eu des opportunités de voler, de détourner. Donc, ba Congolais, tous allés, le kola ba bête, moko. Oyo, quelqu'un a koyi koya ko manipulé binoka kabouye. Aye, ba pesye pouvoir, kota kene kozo pouvoir, totinda ki ete, aje pouvoir, aye, abandi ko yiba, a place bandeko na ye partout, ba yibi, bozo loba, azo sa la sourde d'oreille, loko la zo yokate, bozo loba loko la zo yokate, nzo kande abandi ko yoka très bien. Kuna bango bazo benga ye beton, me ye awuti ko loba ke aje ba humiliation. Mais tout ce qu'on a eu comme côté, tout ce qu'on a eu comme côté, non, Félix a eu une humiliation. Un jour, il y a Kabila Jiflaki. Un jour, il y a Kabila Bengani. Un jour, Kabila Bendaki, il y a eu quitté. Tout ce qu'on a eu comme béton. Mais il y a beaucoup à dire. À l'objet d'un discours, il y a eu une humiliation. À l'objet d'une humiliation, il y a eu une humiliation. Il y a eu une humiliation. Il y a eu une humiliation. Et tout ce qu'on a eu comme humiliation, il y a eu une humiliation. Il y a eu une humiliation. Il y a eu béton. Béton. Nous avons des béton à Yéko Bima Lobi. Vous avez un béton pamba, nazi ba humiliation. Mon colonie, mon milvor, mon caloma, oui, le lope de Félix a eu humiliation. Rien. Vous avez un béton à béton. Alors, voilà ces gars ici, à Yéko Zoua 2 ans, pour que famille na yé moubimba, et à la bakouze, vous tangé la combat causé à Félix Moko Oya Bostan. Tout le monde, oh, bah, rappeler que non, vous êtes un moko, azaka na États-Unis, azaka na État boyo, bosani, na bosani, bo créer poste moko, directeur financier. Mbango, asundoli moi c'est États-Unis, mbango, directeur financier. Pendant 2 ans, à Yibi, 1,8 milliard de dollars, Kabila tika la réserve. Kabila tika na reserve. Likambo oyo Kabila ye moko moto alobi yango te. Nemi wilonja alobi yango. Gouverneur ya banka alobaki yango. Ke Kabila era sali remise de prix. Parmi biloko o atikele Félix, 1 milliard 800 millions de dollars na reserve. Koko makomi kaka boye tout. Abimisi yango. Ezali wapi bongo wana. Alors, voilà un gars qui prend 2 ans bakoyiba lelo siko aye ko bimela bino lo bino nanzwa ki ba humiliation siko nde ki salome ba alors soko lobi ki salome ba nda siko yo ozwa ki ba humiliation to ndimi c'est vrai ba humiliation ozwa ki yango alors mbongo onion so zwi na deza o eza la mbongo ya ko détournement na réserve 1,800,000,000 de dollars salaire na yo 2,070,000 dollars papa okozongi sabe okozongi sabe parce que au salaire musalate on a vu Fayulu remettre son salaire Fayulu a zongi sa salaire na ye atali atali alobi non banda na banda yi depite na zaki depite ti na komi sikoyo na sali musala mokote na memi loi mokote na sali loko mokote alors na zwi mbongo abafu ya pamba na salaire mbongo na bino yangoyo na zongi si il faut zala ndoki ponti bayangote il faut zala ndoki ou bien soki ozali ndokite ozali milovor or milovor na kaka milovorisme ya une pratique ya kindoki ya une pratique ya kindoki Fayulu a remis son salaire ya député parce que ça la ki musalate Félix era bandaki aye ko kosa bino avec ben intimidation premier voyage na ye aye ko zong sa soki sans combien de dollars aye ko zong voilà ifika na kendaki na saleli muke ndambo etikali yango nani aganga ki betote lelo deuxième année yango bosiba moni 1 franc 1 dollar Félix aye ko zong combien de voyages qu'il a fait mais faut faire attention il faut que la kasavubu faut que la kasavubu oza na motema ke ba pesio mbongo a l'état au kei eska o meli café na mission na yo ba ostengi facture esika o kei o sombi o sengi facture oye ko zonga bo pesa kinga mbongo tant mbongo na bino na o na le na benga mission yango o etikali yango chaque mission de kasavubu il remettait l'argent o etikali chaque mission. Ola lo la monika ka boye. Vous croyez que Kasavubu na kosala ndenge na zalika ka lala la monika ka boye, non na sala boye pour na faire plaisir na ba. Non. Kasavubu c'était juste son interne. C'est la valeur intrinsèque de Kasavubu pour na kosala ndenge na. Exacte ko ola d'abord yo za chekuler. Un chekuler na kende ba pesa ye mbonga mission ya ko zonga. Ona zaki ba grimace ko abandé bino. Suite nango. Azonga sa kombi. Na lobaki ya mote na lobaki ya mutu oya za escrow. Wana po a trompé vigilance, vous allez voir la suite. A kozon ki ata instant. Lelo combien de voyages ya fan. A zon si na kesa leta kombi. A zon si kombi. Voilà donc, ce que je voulais dire, mes chers amis, pona lelo, na ebisi bino ki makamba ya inosate de la nation, e zali anar, ils allaient escroquerie. Naïbsa Kibino. Dès Naïbsa Kibino, que ma cambasso des moutons, oh, yo, inauguration, un jour, a inauguré l'élo, l'obinga, la salaki vide. Ils allaient. Naïbsa Kibino, que ça escroque. L'élo to sukiwa. L'élo to sukiwa. Je vous avais dit, gratuité et enseignement. Ma applicarango boyete. Il va échouer. L'élo to sukiwa. Naïbsa Kibino, que moutou, oh, yo, ba voyage naïe, oh, akei. Aye ko zong sambongo voyage ali boso eza escroquerie azo ko sabino chekuler azong sambongo te bomona lelo to suki wa azong si combien alors aujourd'hui vous allez croire na union sacrée de la nation mais il va échouer parce que na lingita a échoué il va échouer parce que azali yemoko il comprend pas qu'est-ce qu'il fait il comprend pas alors deuxième point à proposer, bino que to changer forme. Il y a Namboka Nabiso, il y a Koma Koluka, président Nabiso, Koluka, représentant Nabiso. Et de la source, on a des élections, et les cas d'examen public télévisé. Toluka, ba membre ya jury, maître ya libanda, ya ba pays moussousou, baza y bele, ba toakouye debiso, pour que ba tu oyo, toko préparer ba to préparer questionnaire. Basta l'examen. L'examen, par exemple, examen d'économie, examen de politique, examen d'histoire en Bokanadiso, examen, par exemple, de géographie en Bokanadiso. examen la sécurité en Boka na biso, examen paix la politique internationale parce que c'est très important, examen ou à cause examen a comme président de la République que costa l'examen ya boyé et costa lisa biso pour to tomber les sous-té na ba idiot loco la Kabila, to tomber les sous-té na idiot loco la Félix. En tout cas, le deux batu oyo ba pesi biso mayele ba fungoli biso parce que chez nous en réalité pourquoi idée on est yele ngai. J'ai remarqué que population na biso bazali na niveau moko d'étude ya makasi et ça volonté na bangote boyebika mboka na biso ndenge ezali ba école ezate. Alors to ya analphabétisation ezali élevé bande kona biso ba votaka projet de société bande kona biso ba votaka expérience ya mutute bande kona biso ba votaka patriotisme ya mutute bande kona biso ba votaka kombo. Vous allez voir au moins bande kombo ezala o bavane na diaspora et sika batu ba classe R ezali ofele. Vous allez voir quelqu'un au hasard na diaspora qui propose un président comme Katumbi. Mais franchement, il faut qu'on ait la yébité. Qui propose un président comme Moïse Katumbi? Donc, vous aurez remarqué que Mboka na biso, Boboni Kabila. C'est toujours comme ça. Kabila, Kabila, Raïs, moi, il y a Laura Désiré Kabila. Moi, Laura Désiré Kabila. Parce qu'elle joue comme Mboka. Bochaye. Boye ba kite ke Kabila, classe et sa moukousse. Kabila, expérience et sa la kite. Kabila, astala et sika moukote. Ba parachite ye, président de la République. 18 ans, bon, makambasani. Tolongi na Kabila. Félix Tshisekedi. Congolais a talité que Félix Tshisekedi bique à Kata, à Tangate. Félix Tshisekedi a salaté banda botama pendant 54 ans. Félix Tshisekedi a une expérience de mon côté. Félix Tshisekedi a ligné Mbongo Mingi. Ba bombardé yé, président de la République. Déjà, il y a un bon merde, ma merde. Alors, et qu'on peut s'amuser ma yélété, il y a des gens au Bavandi na diaspora et ce n'est pas n'importe quelle diaspora au moment nous sommes en Amérique na Canada na États-Unis nous sommes au moment na ba na Europe qu'on a ba France ba Belgique ba Suisse qui propose franchement qui propose Moïse Katumbi à la président pour nani pour Moïse Katumbi à Yébani bazo qui pète Moïse Katumbi à Tanganyika Moïse Katumbi a une expérience ya nini Moïse Katumbi a une expérience mon côté. Expérience Moïse a tombé dans y a bal, oui. Côté Kuna, ce qui est toujours, par exemple, conseiller, dans le ministre, conseiller y a sport. Dans le ministre, Moïse a tombé dans le conseiller y a sport. Et sport n'y a sauté, parce que dans le cas de sport, Kuna, peut-être, je pense que va conseiller, va salir, moi, catégorie est belle. Conseiller dans le football, conseiller na judo, conseiller na boye, conseiller na boye. Voilà. Moïse Katumbi tokoi kozoye le kola conseiller na sport section football. Oui. Place wana na koi ko doutete. Akosala musala na ye très bien. Mais yo mutova na diaspora. Ozomona mwana na yo kutu na ndako ton fils ta fille. Et mieux que Moïse Katumbi. Mais vous proposez Moïse Katumbi à la président. O eza ko lokate. So toni mutwana pesanga argument point na yo o ezo pes ezo tinda yo o proposer Moïse Katumbi à la président oyo akaka atika oza jaloux tika oza ene tika. Mais non, on discute loba pourquoi mutu oyo o monique akoki pour à la président soko convaincre biso c'est bien to ko adopter en bois à la président. Mais moi j'ai dit en tout cas Katumbi a convaincre ngaité a jo poste ya président il peut me convaincre pour à la conseiller à sport section football, oui, conseiller dans le ministère des Sports. Là, je l'accepte. Mais pas président, pas ministre. Pourquoi Bandeko Bazo proposer? Réflexion exacte, analyse exacte, parce que Katumbi a Yébani. C'est comme ça avec Félix. Parce que Félix a allé moins à Tshisekedi. Il faut qu'il la président. Ndeko Bazo analyse, est-ce que Ndeko Oyo Félix y a solo Penza? Ce que Vandio Kanisse na conscience na yo. Ndeko Oyo Azali na biki à cause de la président, Ndeko Oyo Azali na biki à cause expérience à cause de la président, Ndeko Oyo a salari ni poids à la président. Et l'autre côté, kaka soko miki koloba, Ozali jaloux, Ozali aimé, Ozali tribaliste, yé kaka président. Mais résultat sur le terrain, c'est quoi? Merde. Deux ans yango, kako koselaka, muninga na ye, idio mususu Kabila makam. Kabila zo empêché. Oui, c'est vrai, Kabila zo empêché. Mais na présidence, na kaka présidence na yo, c'est Kabila qui empêche pour que on salam salam madame la présidente. C'est Kabila qui t'empêche pour que Bani Bambongo te va détourner Mbongo. C'est Kabila qui t'empêche 15 millions il y a rétro-commission. Et lis-moi, c'est Kabila qui t'a demandé 1 800 000 millions au Yibayango. C'est Kabila qui t'empêche, qui t'a empêché pour que, qui t'a pas empêché pour que on paie 57 millions de dollars dans les Libanais, Jamal. Voilà. Voilà, bande de Konabiso et Sika. Non, beaucoup cannabis, il y a vraiment notre pays n'a pas de chance. Et ce côté les bateaux oyo, yemo kondengazana, azali d'abord congolais, yemo ko azali très loin musika koleka Félix, très loin musika koleka Katumbi, mais yemo ko azomi tchassima. Non, na la Monica Katumbi face la présidente, Katumbi kaka président. Non, na la Félix face la présidente, béton kaka. Ndeko bongo yo. Toi, tu crois que Félix ou Katumbi, baléki yo, ou bien baléki moana na yo? Mais pourquoi t'osa boye? Pour nani ni boye? Voilà, donc, ce que je voulais faire, proposition na naï, tout comme yaka qu'on discute en bonisous, et oh, balingi et koma yabango, prenez ça, pour que tout meka qu'on discute. En tout cas, c'est très important. C'est important que tu évites ma merde, oye. Et l'équipe. Tous en a besoin de technocrates, tous en a besoin de trafic, y a culture de personnalité. Tshisekedi, Katumbi, tel boyer. Mais quand vous me prenez par exemple, et Zalabato Bayebani, quand vous me prenez par exemple les gars là, Olivier Kamitato. Mais ce qui m'a moningaï d'aïe kocha en cause que Olivier Kamitata a coquitté pour la présidente, là en tout cas dans Zando. Même si je n'apprécie pas la politique de la famille Kamitata, mais na côté bongo, ce qui m'a proposé Olivier Kamitata au président de la République, n'aï n'a koïko discuté. Et là on a rediscuté mouke, et zali que Atika Aden wana ya trahison ya papa naïe. Ce qui a été un trahison à papa naïe, Olivier Kamitata, vous avez président qui toque. Dès qu'on a vu ce qu'on a eu, on a eu un syndicat de Golo. Les lots, ceux qui ont la canavi, ils ont proposé que nous voulons syndicat de Golo à la présidente. Il y a eu un opposé. Il y a eu un opposé. Vous comprenez? Mais, Batu Oyo, Kabila, Katumbi, Félix, mais batu oyo misato oyo bamso so oana yebi na nte mais batu misato mokia voilà un autre mokia batu bazo me la pema vraiment congolais il y a des gens bazo me la pema makolo suis bango pour la campagne pour que mokia comme président muto aloka biso. Et ça, c'est ce qui a battu, et ça, Lucifer Yemoko. Moutoua Loka Congo, et ça, Lucifer Yemoko. Bandoki oya batuti. Vraiment des gens qui se poumonnent pour que Mokia comme président de la République. Franchement. Mokia, Katumbi, Félix Tshisekedi. Kabila. Ezali bêtise moko oyo. Ezali ko représenter biso ba Congo. Quand on voit Batouana Nyonso, soye moto atali ba ngomalam. Ezali vraiment manque ya matière grise na mboka na biso. Bazali batu, bazali bandeko. Moki ya soye boche conseiller na cadastre. Ministre te. Moki ya soye boche conseiller na cadastre. Donc, on m'a posé dans le conseiller. Donc, on m'a posé dans le moi, qui a été conseiller dans ma plantation, il y a ma café. Donc, on m'a posé dans le mais, bo sauté, il y a une nuance, boum, moi qui a président de la République. Parce qu'il y a un bon mot, il y a un ça, pour déposer candidature, tout le monde peut devenir président. Hein, bandeko, quand même. Faut te passer à capter, bah, mon cannabis au moins valeur. Ero moni kaka moutou pe a ye a telemi, ou lobi oui, mboka oye za pe nana ba representant. Patour pa zap le kola Mobutu. Mobutu so longoli e loko a dictature na ye. Mobutu a zala ki partout so a kei, Kongole ni zairwa ni nite a zala ki mote ma kimia, Mobutu so a kei kokuta na ba president Moussousou, a kei ma conférence na ba president Moussousou. Nani a zala ki mote ma likolo ke Mobutu kuna ke bebisa, nani? Moutou no sa zala ki mote ma kimia, ke kuna e loko ko sale ma kuna soke Mobutu a lobi a kozwa, koze na biso, Mobutu a kozwa yango. Nani azana motema kimia même yonde ko motozo finga ngai est-ce que azana motema kimia oyo akeno lelo Félix azo ke kuta na quatre présidents africains ou bien quatre présidents du monde pour ba wela par exemple parce que bobi guerre mususu o bato bazo ebate ezali guerre ya mai fleuve na biso fleuve Congo ezali eloko moko o eli ko bimisa guerre dans le sens que Soudan Égypte Libye Tchad bamboka wana balingi ba tcha canal mboka na mai na biso ya fleuve Congo e kota na fleuve Nil pour que e pesa debi moko ya makasi bango bazwa mai parce que bazana mai te Mobutu abane ko s'opposer na ko meka kute sika Mobutu azati mais eloko ezo bangi sangai dossier wana soki baye ko pesa ngwe pa Félix tellement lingi mbongo. Si on propose à Félix, par exemple, 10 milliards de dollars, ma pays ou un union se va cotiser. Va cotiser 10 milliards de dollars, va y copier ça Félix. Tobola ma ya fleuve Congo, et kota na fleuve Nil. Félix a rendu ma. Nazo la la mikolono se nzambe sunga. Nzambe sunga, bisika nyo so Félix a zo kende. Dossier ya fleuve Congo, va y a ko proposer ya moti. Parce que ce qui va meki, et qui, fleuve Congo qui. Et ceux qui battent maïna biso batoboli eke na fleuve Nil boye bake na ba Congo barrage ya Inga ekufi na ba Congo barrage ya Inga ekufi parce que ce projet là on l'a proposé na Kabila ba Congolais o ba yebi bazana de résistance ba yebi to telemela ki elokwana to telemela ki elokwana mais botala kaka soki kaka ba ye ko proposer yango na Félix. Ce qui m'a proposé na Félix, na zo stabino ki fleuve Congo et Kéi. Alors, nani azali motema kimia Félix a kene kone présenté vision de l'Imanda à Mboka. Bon, yébi déjà suite. Bon, yébi suite. Parce que, et si kanyo so yé a kene ko représenté Bango, na parti na Bango Moko, ce qui a Kéi ma kosa kaye. Na répéta kaye loko chaque jour. Ah, na Ibiza, ma kosaye, ma bimisa yiko bimisa. Ake na Genève, non, na Afrique du Sud, ma kosa bango. Ma bimisi bango ko bimisa. Ake na Genève, ma kosiye, ma bimisi yiko bimisa. Ake na Kenya, ma kosiye, ma bimisi yiko bimisa. Ake na Kingakati, ma kosiye, ma bimisi yiko bimisa. Alors, bandeko, eza la ozali vraiment miluvoro penza, miluvoro tina makila. Biloko onye seko yiko peso ata mwa leso ya bomoto, ta mkete. Et quand il faut réveiller moi conscient, n'ayez pas que conscient c'est à la caté dans ma maison. Mais quand même, tu veux insister, tu veux expliquer. Est-ce que tu as aussi que Félix va causer des difficultés? N'ayez pas que ça Félix te. Na Genève va causer Félix te. Na Nairobi Kamera va causer Félix te. Na Kingakati Kabila va causer Félix te. Ce qui est na causé va causer qui était, vous avez le droit au final. Mais ngai eloko na yebi kongole nyonso azali kolanda biso ayebi ayebi ke Félix partout akenda ka bakosa partout akenda ka bakosa kaye bakosa kaye bakosa kaye se ke bakosa kaye te yende muta azali zoba azali de kiyungu ayeba kate voilà c'est tout mais mutu no ngaso ina ke sika bokosi ngai pour la première fois bakosi ngai deuxième fois bakosi ngai non c'est tout okosa ngaso te. Maintenant, au cours, on a sauté. Il est partout, bah, Costa, à qui il bise. Au représentant, il dépense qu'on a il bise. À qui qu'on a, bah, ça, qu'est-ce qu'il y a? Bah, pèse mon langue à coca, ouais, à mon nez, on a ce qui a 10 litres. Bah, et si qu'à ma vanne, ça qui y est, n'a bilo à colia, il bise, qu'on a un hôtel. Qu'on a, bah, zo, ça, la macambo, il bise, qu'on a, il y a, zan, un restaurant, zonia. aya ko bima boye président ya ko signé président to silisi ya ko signé ah aussi ça azira na pamta maboko azui ma papier pamta maboko ba soupu azui big a signé ba ko signé akei na na Genève Genève baninga bazosala makambu ye kuna na Genève na hotel azolia ba benga ye boye bo président ya ko bima siko ya ko signé to lobia wa to lobi to kene élection ba voter ah élection ça va na pamta maboko pamta maboko pesa big a signé. Caméra que voilà, monsieur. Yo, il faut signer. Oh, il a ma paix. Zambou, wanye. Zambou, Mouchindoukan. Tout ça, l'endigne. Benga Baz, va pas sauver yo. A Bengi Baz. Bon, monaki, téléphone. Baz, n'angaye, et lui, singana, l'ongona, dilo. A longwe. Caméra, le via, il zengi, au pénal, le longa, la zuye. Caméra, zuye, a foutu les tickets. Wapi, Nairobi. Bakoma na Nairobi kuna deal na kamera. Croyez-vous biloko nyoso Felix andimaki na kamera. Mutu aza normal, un congolais normal, akoyiko ndima biloko. Même c'est une blague, akoyiko ndima biloko. Ba ministère nyoso apesi kamera. Batuna yeba yo ye, boyete. Ah, loko les andimaki loko kabila zo benga ngai, tikana kende pata. Ba bimisi yela dilwa. Ake pa kabila. Kabila yebisi ya, ah, yo yiba kambongo, me nyoso ba decision tu, ezangayi. Kuna pe, telema bazi za laki te, andimi, ba pesi bilo wako lia, oyo mwacha kabila lobaki, nani alesha na nastani ya kabila te. Iparle aki, nesipa Felix? Ba bengi ye makambu ya mboka, ye nano wake kolia. Telema mwacha kabila yeba ike alinga kolia, ba lambe ye nano, mutuna ngo, milu. Mutuna ngo ya linga apenda kote ya minu. Azulia. Kabila bengi ya usisi kwa lia yaka kato sinye au. Wapi ya ngo shio. Ya ngo sinye. Na pangusa maboko. Apangusi. Ma sinye. A sinye. Biba humiliation. Alors. O juste ndeko. O azale. Lelo croyez-vous que Nadir Oyobo zosala ya union sacrée de la nation. Félix a obimaté, a okimité le soupe, tous au talent. Bon noté date à l'élo. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Wanezale, et voilà qui résumait à ma